Voilà François Morel. C'est à vous François. Tu fais quoi ? Je cherche une idée. Une idée de quoi ? Comme d'habitude, une idée de chronique. Pour la radio ? Pour la radio. C'est pour les sujets qui manquent, justement. C'est ça qui pèse. Ce que je regrette, c'est de ne pas être musicien. Je ferais juste une petite musique un peu triste, un peu consolante. Une musique peut-être qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui fait du bien. Une musique comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es sombre, on dirait. Non, pas spécialement, ça va, mais j'ai pas trop envie de faire mon malin sur les coupures d'électricité en hiver, la guerre en Ukraine, les polémiques du jour, les conneries. Oh là là, ça va pas bien, toi. Si, ça va, sauf que des fois, j'aimerais mieux pouvoir me mettre devant un piano, tranquille, jouer de la musique. C'est encore le meilleur moyen de se taire. T'as trouvé une idée ? Bon, je regarde un peu sur la toile. Une dame de 80 ans percute mortellement une octogénaire à Laval. Serge Lama, ses confidences très osées sur sa vie sexuelle. Kate Middleton brise le protocole avec David Beckham. Livré à PEL, à quel taux s'attendre en 2023 ? Question sujet, en faisant un petit effort, il y a toujours l'embarras du choix. Sinon, c'était comment ta petite musique ? T'as qu'à dire que t'es malade, que tu peux pas te déplacer, que t'as une extinction de voix, que t'es pas inspiré, que ta maison a brûlé, que t'as le Covid, la grippe, la lèpre, la varicelle, que t'es contagieux, que t'es décédé, que t'es parti aux Maldives, que t'es amoureux, que t'as tout quitté, que tu es bloqué dans l'ascenseur, que ta voiture est en panne, que dans le TGV, on t'a fait descendre du train sous prétexte qu'on t'a pris pour une contrebasse. T'as qu'à dire que t'as plus aucune idée, que t'es au bout du rouleau, raplapla, abattu, anéanti, affaibli, qu'un 15 tonnes t'a écrasé, que depuis t'as des maux de crâne, que t'es heureux ailleurs, quelque part dans le monde vivant, dans le stupre et la luxure, ouais. Ouais, après tout, t'as raison. Je veux dire que je peux pas, voilà. Bon, ils en profiteront pour passer de la musique. Merci à vous François Morel, merci également à Antoine Salaire pour la composition de la musique. François, on vous retrouve en librairie avec ces deux livres, je le rappelle, Grâce matinale, vos chroniques ici même sur France Inter, et puis le dictionnaire illustré de l'inutile écrit avec votre fils Valentin. France Inter.